Bwana imibariki. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tutashimama njuu ya usomi wa neno. Ouvrons nos Bibles dans Daniel. Tutafungula ma Biblia yetu mu Danieli. Taomba. Seigneur, accente. Seigneur, merci. Parce que tu as permis que nous puissions entrer dans ta maison. Pour te prier. Et te déposer nos problèmes. Mawazo yetu iko nenda kupande ya dada Shalom. Nos pensées vont vers la sœur Shalom. Qui est en difficulté de santé. Ule kuna magumu ya afya. Nous croyons que par tes maîtrises, nous avons déjà reçu la guérison. Tunaamini kusema kupitia vidonda vyako tunaisha kupata matunzo. Touche notre sœur. Uguse dada yetu. Et nous glorifierons ton nom. Na tutatukuza jina lako. Bénis ton serviteur que tu as utilisé depuis le matin. Ubariki mtumishi wako ulitumia tangia asubuhi. Pour nous exhorter. Njia kuituonya. Et nous conduire dans la prière. Na kuituongoza katika maombi. Bénis d'une manière particulière. Ate ubariki mnamna ya pekee. Chaque frère et chaque sœur. Kila nduku na kila dada. Qui était ici. En train de répandre son âme en ta présence. Toi qui connais la profondeur de chacun de nous. Réponds à chaque prière. Pour la gloire de ton nom. Bénis la parole qui sera lue. Accompagne-nous du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amina. Daniel au chapitre 2. Daniel sura yake ya pili. Verset 36. Mustari yake ya makumi tatu na sita. Jusqu'au verset 39. Mpaka makumi tatu na tisa. Voici les songes et nous vous en donnerons l'explication devant le roi. Tazama ndoto na tutaleta fasilio mbele ya mfalme. Ô roi, tu es le roi des rois. E mfalme, uku mfalme wa bafalme. Car le Dieu du ciel t'a donné l'empire, kwani Mungu wa mbingu alikupatia ufalme, la puissance, uwezo, la force et la gloire, nguvu na utukufu. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, alikupa mu mikono yako fashi yote batu weko na keti, les enfants des hommes, batu ya bantu, batoto ya bantu, les bêtes des champs, banyama bapori, et les oiseaux du ciel, na ndege za anga, et il t'a fait dominer sur eux tous, na alikufanya utawale yulu ya bobote. C'est toi qui es la tête d'or, wenjo kichwa kya zabu. Après toi, kisha weye, il s'élèvera un autre royaume, kutakuya ufalme ingine, moindre que le tien, ya kidogo kuliko yako. Dans Daniel au chapitre 7. Mu Daniel sura ya 7. Dans son verset 5. Mu sura ya 5. Et voici un deuxième animal était semblable à un ours. Na tazama nyama wa pili alifanana na dugu. Et il se tenait sur un côté. Il avait trois côtes dans la gueule entre ses dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Dans Daniel au chapitre 2. Mu Danieli sura yake ya pili. Dans son verset 39. Mu mstari yake ya 39. En ce qui concerne la vision de la statue de Nebuchadnezzar, kwenye kuangalia ono ya sanamu ya Nebuchadnezzar, la poitrine et les bras, kilari na mikono, qui sont en argent, représentaient le deuxième empire ou le deuxième royaume, byenye kwa bya zabu biranza kuonesha ufalme wa pili, que nous avons appelé les Mèdes et les Perses. Bale turita ba Mèdes na ba Perses. Un royaume qui est venu après celui du royaume de Babylone. Ufalme ile ilikuya kisha ufalme ya Babiloni. Mais dans Daniel au chapitre 7. Lakini mu Danieli sura yake ya 7. Dans le verset 5 que nous venons de lire. Mu mstari ya 5 ile tunatokea kusoma. Le même royaume des Mèdes et des Perses. Il est au falme moya moya ba Mèdes na ba Perses. Sont représentés par un ours. Inaoneshwa na ours amadugu. C'est un an d'un côté. Mwenye kusimama ngambo moya. Et qui avait trois côtes entre ses dents. Na alikuwa na maubavu tatu katikati ya meno yake. Et tout le monde lui disait, na bantu bote waranzo mwambia, lève-toi, si mama, et mange beaucoup de chair. Na kula nyama mingi. Après la chute du royaume de Babylone. Kisha kuanguka ya kwa ufalme ya Babiloni. Ce sont les Mèdes et les Perses. Ba Mèdes na ba Perses qui sont devenus les vainqueurs. Jobo bari shinda ile ufalme ya Babiloni. Ici c'est le lion. Hapa ni simba qui est vaincu par un ours. Ule bana shinda kwa dugu. Dans les caractéristiques d'un ours. Mubitambulisho bya ours. L'ours est un animal qui aime plus du calme. Ours ni nyama ule anapendaka kimya sana, ukimya. Il vit dans les régions calmes. Eko naishi mafashi ya kimya. Il n'est pas tellement dans les grandes forêts. Mais il aime les régions calmes. Mais qui sont riches en ressources alimentaires. Parce qu'il aime beaucoup manger. Mais cet animal, lakini huyu nyama, est très sensible au dérangement. Yashipendake kumuji. Il ne supporte pas les dérangements de toutes sortes. Avumiliake makelele yoyote au kumuji. Lorsqu'il est dérangé, wakati banamuji, Il devient très agressif. Anakuya sasa wakumizana. Et là, il est plus agressif. Pale anakuwa wakumizana sana. Que même le roi dormait. Ata mufalme wakulala. Dit le lion. Sema Simba. C'est pour toi, c'est pourquoi. Jo kwa man. Même ceux qui connaissent la nature de l'ours, Atabale bana famia Syria ours. On leur dit toujours, on leur donne comme conseil. Bale ba pachiaga sawa shauri. Lorsque vous allez en brousse avec votre chien, wakati unaenda mpori na imbwa yako, évitez de laisser votre chien divaguer. Hapana kuacha imbwa wako na wayawaya. Dans une région Mufashi, où habite l'ours. Mule munekalaka baours. Sinon votre chien risque de le provoquer. Kama apa na imbwa wako atamchokoza. Et ça ne serait pas dans votre avantage. Na haitakuwa njoo ya faida yako. L'ours est très agressif. Anaumizanaka kwa wepesi. Il est agressif plus que le lion. Anapita hata simba. Mais lorsque vous le rencontrez par hasard sur votre chemin, lakini kama tunakutana naye hivi ya kwanza kuwazia kwa rafla, ne criez pas. Hapana kulalamika. Et ne faites pas de gestes brutal. Hapana kufaa sawa na pia na wewe kumchokoza. Ne bougez pas brutalement. Hapana kutenga kwa kuonesha sawa na pia kumchokoza au na pia ukimbia sasa. Et si vous voulez vous adresser à quelqu'un qui est à côté de vous. Na kama una pia kusumbulia na mwenye kuya pembeni yako. Pour lui signaler que l'ours est là. Juu kumuonesha kusema ours yeule. Afin de prendre des précautions, parce qu'après tout c'est un animal. Il faut savoir que c'est un animal qui peut vous agresser à tout moment, ça dépend de son instinct. Mais parlez à celui qui vous accompagne calmement. Et lorsque vous le voyez, n'essayez pas de fuir avec brutalité, éloignez-vous calmement. Na wakati unamona, apana kukimbia mbio sana, wewe kimbia tu pole pole. Ne courez pas. Apana kukimbia. Et n'empruntez pas la voie. Na apana kubeba njia. Que lui peut emprunter. Ile yeye anaweza kuendea. Sinon vous risquez d'être attaqué. Kama apana atakuwa kukombanisha. C'est un animal compliqué aussi. Ni nyama na eko wa matata. Mais dans sa nature alimentaire. Lakini mwali yake ya vyakula. Il est omnivore. Ye anakuriaka nyama. Non, il mange tout. Anakuriaka vyote. Il mange la viande. Anakuriaka nyama. Il mange les herbes. Anakuriaka mayani. Il mange les insectes. Anakuriaka bilulu. Mais lakini, son alimentation biakuria biake, a une prédominance bikuna utawalo, végétivore. Ya, anakuriaka bia mayani sana. Vous voyez. Naona. Il est terrible. Ni watari. Dans les années antérieures, moi-même me posais la question de savoir. Miaka ya kumukongo na mimi ranza ichuliza njuu ya kujua. Pourquoi Dieu avait choisi ce type ici? Dieu a nini Mungu aliweba hii mfano. Pour annoncer ce royaume. Dieu a kutangaza hii ufalme. Nous n'avons pas le temps de raconter toute l'histoire sur chaque royaume, sinon nous serons seulement des professeurs d'histoire. Atuna na wakati ya kuhadisia hadithi yote ya maufalme, pabule tutakuwa ni ba mwalimu sasa ba kufundisha hadithi. Et là, nous ne serons plus avancés. Na pale hatutaweza kuendelea. Mais pour retourner à la prophétie, à la vision de Daniel. Lakini njua kurudia kuono ya Danieli. Vous remarquez que l'ours se tenait d'un côté. Mutaona kusema ours alikuwa ashoshimama ngambo moya. Se tenir d'un côté. Kushimama ngambo moya. Signifiait que les Perses, ilionesha kusema ba Perse, sous le règne du roi Cyrus, chini ya utawala wa mfalme Asuero, prédominerait sur les Mèdes. Bari pasha kutawala yule ya ba Mèdes. Les Mèdes. Ba Mèdes. Comme je l'avais souligné dans les jours passés, et les Perses n'étaient pas le même royaume. C'était deux peuples. Et deux royaumes. Et au début, ce sont les Mèdes qui dominaient les Perses. Je vous ai montré dans les jours passés comment les Perses ont réussi à envahir les Mèdes. Mais les Mèdes dont nous parlons ici étaient un ancien peuple irakien. Iranien, oui. J'ai posé hier la question aux enfants à la maison. Jana miri uliza batoto kunyumba. Pour qu'ils me disent où se situe l'Irak. Juba nyambie Irak iko wapi. Mais ils ont eu beaucoup de difficultés pour me montrer où se trouve l'Irak. Barwana magumu ya mingi njua kunyonesha Irak iko ni wapi. Parler de Saddam Hussein. Mi anza kusemea Saddam Hussein. Mais tout le monde connaît Saddam Hussein. Bantu ba mingi banayua Saddam Hussein. Même ici à Kambov, ici, il y a des gens Ataku Kambov, qui portent le nom de Saddam. Kuku bantu baleweko na manjina ya Saddam. On ne peut pas parler de la guerre de Golfe sans parler de l'Iran, sans parler de l'Irak. Abaïs kusemea juu ya vita ya Golf bila kusemea Iran na Irak. Cette région du Moyen-Orient, il est mainchi ya ku Moyen-Orient, est constituée des anciens peuples qui ont existé avant des siècles et des siècles. Inatungwa na bantu ba zamani bale barikuya hapo wakati ya tangia wakati ya zamani. Le jardin d'Eden dont nous lisons dans la Bible. Bustani ya Eden tunasoma en Biblia. Dans la Genèse chapitre 1. Mwanzo sura yake ya kwanza. Et dans d'autres versets. Na mashairi mengine. Mais se trouvait en Irak. Ilikuwa ni mu Irak. Entre les fleuves. Katikati ya Mto. Euphrate et le Tigre. C'est écrit dans la Bible. Katikati ya Mto, Euphrate na Tigre. Le jardin d'Eden était situé Irikuya, partout là, côté Irak, jusqu'ici en Égypte, en passant par Israël, toute cette région là constituait les jardins d'Eden. Tout lecteur de la Bible sait les situer. Quand nous parlons du roi de Tyr ou du Tyr, regardez à la fin de votre Bible là, il y a des cartes dans lesquelles on montre l'histoire de la religion. Il y a des cartes où on montre les parcours d'Adam et d'Abraham. On montre le parcours d'Abraham qui a quitté Babylone jusqu'en Canaan. On montre là le parcours de Paul dans les champs d'évangélisation. On montre là le parcours de Moïse, comment il est allé en Égypte et comment il est retourné. Derrière votre carte là, votre Bible, il y a tous ces gens là. À ce moment-là, quand vous regardez à la carte, vous avez la possibilité de vous situer. Quand on parle de la Libye, on parle de l'Éthiopie, on parle de l'Égypte, on parle de Gaza, on parle de Jérusalem, on parle d'Irak, on parle des Kurdes, on parle de... Les Kurdes sont dans les territoires irakiens. On parle des Indiens. Vous voyez, des Iraniens. Ce sont les gens qui ont habité cette contrée-là. Ils ont fait l'histoire que nous pouvons même dire de l'humanité. Ça, c'était qu'une parenthèse. Je disais ceci. Les maîtres étaient un ancien peuple iranien qui vivait dans une réunion, dans une région du nord-est de l'Iran. Ils occupaient une région montagneuse au nord-est. Et du côté oriental de la Mésopotamie. Dans la région de Hamadan. C'est là où ce peuple faisait leur demain. Vers le 7e siècle avant Jésus-Christ, ils ont joué un rôle déterminant dans la chute de l'Empire d'Assyrie. Ils ont joué un rôle déterminant. C'est-à-dire, ils ont beaucoup influencé pour dans la chute de l'Empire d'Assyrie. Parce qu'à leur époque, il y avait beaucoup de rivalités entre les empires. Il y avait le royaume de Lydie et le royaume de Babylone. Mais le royaume de Babylone avait plus de puissance que les autres. C'est pourquoi quand on appelle Nebuchadnezzar roi des rois, c'est parce qu'il y avait des petits empires, il y avait des petits rois qui dominaient d'autres empires, mais celui qui dominait, qui était leur tête, c'était Nebuchadnezzar. Mais ce peuple, ou ce royaume, ou ces gens tombèrent sous le puissant roi que nous avons vu, Cyrus II, le roi des Perses. Les Mèdes sont venus de l'Asie centrale depuis longtemps. En même temps que les Perses. Mais quand les Perses sont devenus prédominant, comme je l'avais expliqué dans les jours passés, ce sont les Mèdes maintenant et les Perses, s'il vous plaît, les Perses qui vainquirent les Mèdes. Et ils ont pris le dessus na baribeba utawalo jusqu'à ce qu'ils avaient réuni les deux royaumes Mupaka pour devenir le royaume des Mèdes et des Perses. Mupaka pale bariunganisha ima ufalme mbiri inakuya ufalme ya ba Mèdes na ba Perses. Et ils ont régné de 538 na baritawala tangia 538 à 330 avant Jésus-Christ. Mbele ya Yesu Kristu kuzarikwa. Ils sont parmi les royaumes qui ont régné, qui a régné longtemps. Ni bamoja ya maufalme litawala ma wakati ya zamani sana. À peu près 2 siècles. Ma siècle mbiri. Voyez, ils ont régné litawala jusqu'au moment wakati, où Alexandre le Grand, il est, Alexandre le Grand est venu aussi les vaincre. Vous voyez, naona. C'est ce que vous pouvez retenir sur ce peuple. Mais dans la vision de Daniel, lakini muono ya Danieli, comme je le disais ici, ba, l'ours se tenant d'un côté, ours mwenye kushimama kungambo moya, ce sont les Perses sous la conduite de Cyrus, ni ba Perse chini ya ongozi ya Cyrus, qui dominaient les Mèdes. Bale baranza kutawala ba Mèdes. Et les trois côtes, na ile mamba dans laquelle, mukinwa, entre les dents, il est quoi katikati ya meno de l'ours, ya ours, ce sont les victoires ni maushindi que les Perses ont eu, les ba Perses baripata sur la Lydie, yulu ya Lydie, sur Babylone, yulu ya Babylonie, et sur l'Égypte, na yulu ya Misri. Les trois côtes qui sont dans la bouche, il est ma, ubavu tatu, qui mkinwa, sont dans la gueule mkinwa, de l'ours entre ses dents, ya ours, il est ma, ubavu mumeno, révèle la victoire kunaonesha ushindi, que les Perses ont eu, il est ba Perse baripata, sur le royaume de Lydie, yulu ya ufalme ya Lydie, le royaume de Babylone, ufalme ya Babyloni, et même sur l'Égypte. Na Julia Misri. Maintenant on lui disait, lève-toi si mama, et mange beaucoup de chair. Kula nyama mingi. Mais beaucoup de chair dont on est en train de parler ici, nyama mingi, c'est d'autres conquêtes, ni maushindi ingine, d'autres victoires, maushindi ingine, que ce royaume des Mèdes et des Perses ont eu dans leur conquête. Parce qu'il n'y avait personne, comme nous le verrons dans Daniel au chapitre 8, qui pouvait résister aux Mèdes et aux Perses. Prenons Daniel chapitre 8. Daniel dans son verset 3 jusqu'au verset 4. C'est toujours Nipaka, la même vision sur les Mèdes et les Perses. Ono moya moya yulu ya ba Mèdes na ba Perses. J'ai levé les yeux, j'ai regardé. Macho, miranza, et voici un bélier natazama kondo dume, se tenait devant le fleuve. Alikuwa shoshimama mbele ya muto. Les béliers dont on parle ici kondo dume wanasemea hapa sont les Mèdes et les Perses. Ni ba Mèdes na ba Perses. qui forment aujourd'hui une partie des Indiens. Ici dans la vision de Daniel au chapitre 8, les Mèdes et les Perses qui sont les Indiens sont représentés par un bélier qui se tenait devant le fleuve. Vous savez toujours que l'eau représente le peuple. Et il avait des cornes. Vous voyez, ces cornes dont il est parlé ici, c'est toujours les Mèdes et les Perses. Ces cornes étaient hautes. Mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle s'éleva la dernière. Na irishimama ya mwisho. L'une qui était plus haute que l'autre. Mumoja ilikuwa ya mrefu kupita nyingine. Ce sont les Perses. Iba Perse. Qui étaient plus puissants. Bale barkuya ba uwezo sana. Que les Mèdes. Kushindia ba Mèdes. Et elle s'éleva la dernière. Na ikashimama ya mwisho. Vous voyez, dans le règne de Mèdes et de Perses, naona mutawala ya ba Mèdes na ba Perses. Il y a eu ces deux cornes qui représentent les Mèdes et les Perses. Yenye konesha ba Mèdes na ba Perses. Premièrement, les Mèdes. Kwanza ba Mèdes. Ont régné. Baritawala. Et lorsque maintenant les Perses ont pris les dessus, la Bible identifie les Perses comme étant l'une des cornes la plus haute que l'autre et qui s'est levée le dernier. J'ai vu les béliers, les Mèdes et les Perses qui frappaient de ses cornes l'Occident. Ule alianza kupika na mapembe yake ku magharibi. Septentrion. Kuasubuhi. Et à midi. Na kumidi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Hakuna tanya mamoya aliweza ushindana naye. Et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Na akukukuye mtu hata moya njuu ya kukombola. Il faisait ce qu'il voulait. Alianza kufanya bila alipenda. Et il devint puissant. Na akakuya wa uwezo. Vous voyez bien mes frères et sœurs. Naona ndugu mpendwa na dada mpendwa. Pendant que le royaume de Mèdes et de Perses. Wakati ufalme ya ba Mèdes na ba Perses régnait, personne ne pouvait les, donc aucun royaume ne pouvait les résister. Hakuna hata ufalme moya iliweza kushindana nabo. Parce que le royaume de Babylone. Ju ufalme ya Babylone qui était représenté par la tête d'or. Il est rionesho na kichwa ya zabu. Et qui était représenté par un lion avec des ailes, na rioneshwa na simba mwenye kwa na mabawa, était déjà vaincu par eux. Ilikuwa isha ushindiwa nabo. Le reste du peuple était faible. Mataifa ingine ilikuwa ya mais Dieu avait suscité les Mèdes et les Perses pour châtier les Babyloniens. Et la prophétie disait qu'elle ne se relèverait plus. Oui, bien aimé frère. Le bélier avec ses deux cornes attaquant le nord, les sud et l'ouest. Les deux cornes, comme nous venons de le dire, qui sont les Mèdes et les Perses. Quand nous prenons dans Daniel au chapitre 8, dans son verset 20, l'Écriture dit, les béliers que tu as vus et qui avaient des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Vous voyez, et les rois des Mèdes et des Perses qui sont représentés dans les béliers qui avaient des cornes furent aussi vaincus par les boucs bakashindiwa nabo na mbuzi ndume qui représente la Grèce. Mwenye konesha Grèce. Vous voyez bien mes frères, lorsque vous prenez le verset 21, les boucs, Daniel chapitre 8 verset 21, les boucs, c'est le roi de Javan, le roi de Javan, c'est la Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Vous voyez, nous verrons cela. Vous voyez, quand les Mèdes et les Perses se considéraient maintenant comme maître absolu, Dieu aussi suscita un autre royaume pour abattre leur orgueil. Parce qu'il se sentait puissant. Vous voyez, il frappait tout le monde. Il frappait le nord. Il frappait le sud. Il frappait l'ouest. Et il n'y a aucun homme, aucun roi qui pouvait résister au maître de Perse. C'était le temps de règne. C'est vrai, bien aimé frère et soeur. Parce que Dieu avait tout vu. Voyez. Mais les deux cornes, quand leur temps est arrivé, quand ils ont épuisé suffisamment leur temps, Dieu, après les avoir utilisés, et il devait passer à quelqu'un d'autre. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Souvent, même nous en tant que chrétiens, nous devons comprendre que nous sommes seulement utiles pendant que Dieu a besoin de nous pour accomplir ses objectifs. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, après avoir accompli ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Dieu utilise qui il veut. Il y a un temps où il a utilisé Babylone. Il y a un temps où il a utilisé les Mèdes et les Perses. Il fait toutes choses pour sa gloire. Parce que c'est lui le maître, le souverain, qui est capable de changer les temps et les circonstances. C'est pourquoi il n'y a pas de royauté éternelle. Il n'y a pas de gloire éternelle. Il n'y a pas de pouvoir éternel. Il n'y a même pas de ministère éternel. Il n'y a pas de pastorat éternel. Dieu a utilisé Moïse. Quand Moïse est parti, Dieu a suscité Josué. Vous voyez, quand Josué est parti, il a utilisé les autres. Et vous remarquerez qu'à chaque époque, Dieu avait toujours un témoin, il avait toujours un instrument qu'il pouvait utiliser pour accomplir ses plans. Et là, nous devons y tirer une très grande leçon. En tant que chrétien, qu'on soit pasteur, qu'on soit prédicateur, qu'on soit diacre, qu'on soit choriste, qu'on soit kidariste, qui que vous soyez, commerçant ou qui, donneur d'un grand dîme ou qui, sachez que tu n'as de la valeur devant Dieu que lorsque Dieu a besoin de toi pour t'utiliser. Quand Dieu termine avec toi, Dieu est capable de susciter quelqu'un d'autre pour continuer son œuvre. C'est pourquoi il n'y a personne qui peut se taper la poitrine et dire, si moi je ne suis plus dans cette église, si moi je meurs, l'église va mourir, l'église va sombrer. C'est faux et archi faux. Dieu a ses enfants. Aujourd'hui il ne peut pas se manifester, mais ils seront manifestés au temps de Dieu. Quand Dieu aura besoin d'eux, ils vont se révéler. C'est Dieu qui va les révéler. C'est pourquoi dans le domaine de Dieu, il n'y a pas moyen de s'empresser. C'est par des fausses inspirations que vous voyez les gens combattre pour prêcher. Oh, mon bananikataria. Oh, bananikataria. Minatoka mukanisa. Ni kukosa kuyua mambo ya Mungu. Na ni alama ya kuonesha kusema na ule mtu mwenyewe ana mwenye kuitwa na Mungu. Mungu hawezi kutumikia bantu wawili au même moment. Sinon il y aura de la confusion. Atatumika mbele na mtu moya kufuatana ile tabia ya ule mtu. Ana mwasosie na bantu bengine bale amba eko nabo mutabia moya. Quand Dieu aura fini avec eux, il va chercher encore quelqu'un d'autre qui était à côté dans l'humilité, qui s'attendait à Dieu. Il va continuer l'œuvre. C'est ainsi, depuis la Pentecôte, Dieu a utilisé plusieurs serviteurs jusqu'aujourd'hui. Depuis que Frère Branham est décédé, le message ne s'est pas arrêté. Dieu a utilisé plusieurs serviteurs jusqu'aujourd'hui. Même moi et vous, nous n'avons jamais vu Frère Branham. Vous voyez, mais il y a des hommes que Dieu a utilisés qui étaient loin de l'esprit qui était en Jésus, qui était en Branham. Vous voyez, et cet esprit-là est venu jusqu'à nous parce que Dieu nous avait déjà vu que nous étions ses élus. Vous voyez bien, mes frères, c'est ainsi que vous voyez ici. Dieu a utilisé Babylone en son temps, le royaume de Babylone en son temps, il a utilisé Nebuchadnezzar en son temps, mais quand le temps est arrivé, j'utilisais maintenant les Mèdes et les Perses, il a écarté Babylone. Donc, nous ne sommes pas importants. Oh, quand même, je suis pas guitare, mon Kanisa. Kanisa habite Ndeka. Uko na landa bongo. Mungu eko capable à consister mon mungine atapita kidar mzuri kupita na wewe. C'est pourquoi mukaji ya Mungu. Il faut kuacha fieri. Il faut cesser la fierté. Uko natumikia Mungu na fieri. Sawa uko natumikia bantu. Uko naimbia Mungu na fieri. Sawa uko naimbia bantu. Non, dans tout ce que nous faisons dans l'église, nous le faisons pour Dieu. Et pour sa gloire, parce que tout ce qu'il a créé, il l'a créé pour lui-même et pour sa gloire. Ne faites pas des choses dans l'église comme servant des hommes. Quand le pasteur, un prédicateur, un ancien, un diacre commence à travailler avec caprice, il ne peut plus édifier Dieu ni édifier son peuple. Dieu sera obligé de l'écarter et de chercher quelqu'un d'autre qui va continuer son œuvre. Alors cela doit semer en nous de la crainte. Même si moi je mourrais, José mourrait, Senga mourrait, Nono mourrait, tous les diacres que vous me connaissez mourraient, cette église ne sombrera pas. Dans cette église, il y a l'époux de Jésus-Christ qui sera certainement enlevé. La semence qui a été semée dans cette église est la semence de Christ. ya Christo. Et rien, na kuna, et rien alors, na kuna hata kitu moya, ne peut l'enlever. Kinaweza kuiondosha. C'est vrai, frère. Je peux citer les enfants Mungu qui viennent derrière nous. Vale tufata nyuma. Ce n'est pas seulement celui qui se proclame être quelque chose, qui est quelque chose. Ce n'est pas seulement celui qui proclame avoir quelque chose, qui a quelque chose. Non. Il y a beaucoup de gens qui proclament avoir quelque chose, mais qui n'ont absolument rien. Ils peuvent se proclamer être quelque chose, mais ils ne sont rien. Mais vous trouvez les autres, ils ne se considèrent pas comme quelque chose d'important, mais ils sont importants. Ils pensent qu'ils n'ont rien pendant que Dieu est avec eux et Dieu les réserve pour un travail. C'est pourquoi Jésus lui-même nous a enseigné et nous a dit dans Luc au chapitre 17, dans son verset 10, vous de même, quand vous avez fait ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devrions faire. Oui, bien-aimés frères. Oui, bien-aimés sœurs. Donc, c'est ainsi. Ah, voilà. Je retourne. Nous retournons maintenant. C'était une bonne parenthèse. N'est-ce pas, mzé? N'est-ce pas l'église? Une très bonne parenthèse. Donc que chacun de nous dans l'église atangure kwanza kujiona sasa ni mtu wa bule. Avez-vous senti quand je joue à la guitare comment les gens il est ni kiburi boule. C'est de l'orgueil. Kuko bantu bengi bane kipikaka kupita na vile unapikaka. De plus que toi. On est capable de ne pas micro. On est capable de sauter en une tocaka. Déjà, tu as ma saouti. Comme on a imba pas à la bouchingi. Lorsqu'il chante ici, tu ne peux pas dormir. Donc, soyons seulement humbles. Vous savez, dans cette église-là, c'est moi qui donne une grosse dîme. Ah, c'est bon. Vous pouvez aller avec lettre, il y a mingi coupita, ouais. Mais avant de dire caraca, t'as mon canisa. Mais qui ne sont même pas connus de l'église. C'est bien. C'est ainsi. Les deux cornes qui sont les mains de l'Éternel, après avoir accompli leur temps, ils furent vaincus par les boucs Mbuzi akabashinda qui représente la Grèce. Mwenye kuonesha Grèce. Et quand vous suivez l'histoire des Mèdes de Perse, na wakati unafuata hadithi ya Mèdes, c'est toujours l'orgueil. C'est toujours l'arrogance. C'est toujours le péché. Adultère, idolâtrie qui les a fait tomber dans la chute. Oui, bien-aimés frères, le peuple pris au départ, le peuple était d'abord dominé dans les premiers temps par les Mèdes, mais avec le roi Cyrus, les Perses ont pris le dessus. Oui, bien-aimés frères. Oui, bien-aimés sœurs. Comme nous l'avons lu ici, dans Daniel 8, au verset 3. Et comme nous l'avons lu ici, dans Daniel 7. Dans le verset 5. Oui, bien-aimés frères. Mais ce royaume des Mèdes et des Perses a connu sa grandeur, son expansion, son apogée, c'est sous le règne du roi Cyrus. Le roi des Perses et Darius, le roi des Mèdes. Ces deux rois furent utilisés par Dieu comme des instruments pour punir voilà Babylone dans son orgueil. Ce que nous vous avons dit hier, C'est vrai. Notez cela, comme le temps file. Comment Dieu a utilisé cela? Regardez dans Daniel au chapitre 5. Dans son verset 28. Cette même nuit, l'écriture que nous avons lue, hein, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède, s'empara du royaume, et il était âgé de 62 ans. Pourquoi Dieu a fait cela? Parce que ces paroles, ces prophéties devaient s'accomplir. Il fallait que le royaume de Babylone tombe pour que le royaume des Mèdes et des Perses arrive pour libérer les enfants de Dieu, les enfants de Jéhovah qui étaient en captivité à Babylone. Pourquoi? Afin qu'ils retournent dans leur pays natal pour reconstruire Jérusalem et le temple. Dieu ne fait rien pour rien. Si les Mèdes et les Perses, sous Darius, et sous Cyrus, ont été suscités par Dieu, c'était pour accomplir ce plan. L'état du royaume de Babylone était déjà fini. Le péché, l'idolâtrie, la méchanceté l'avait cloué au sol. L'orgueil, la mèche et l'arrogance avaient fait en sorte que Dieu les vomisse. Et Dieu maintenant prend un autre royaume. Premièrement, châtier le roi de Babylone et tous les Babyloniens pour leurs péchés. Et deuxièmement, pour accomplir la prophétie qui touchait le retour des Juifs dans le pays natal pour rebâtir le temple de Dieu et rebâtir la ville du grand roi. C'est pourquoi depuis Esaïe 44, dans son verset 28, l'écriture est claire. Andiko ikuna sema wazi. J'ai dit de Cyrus, minasema juu ya Kiru, il est mon berger. Ni mchungaji wangu. Et il accomplira toute ma volonté. Na atatimiza mapenzi yangu yote. Quelle est la volonté de Dieu? Ni mapenzi gani ya Mungu? C'est fini. Ni kuapika Babylone. Babylone. Et de reconstruire le temple et la ville de Jérusalem. J'ai dit, il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Et du temple qu'il soit fondé. Dans Esaïe 45, verset 1. Ainsi par l'Éternel à son oint à Cyrus. Comme je l'avais dit autrefois là, c'est un roi païen était loin de l'Esprit de Dieu pour accomplir la parole de Dieu. qu'il tient par la main. Ule anashika kwa mkono. Qu'il tient par la main, Mungu anamshika kwa mkono. Ule Mungu anashika kwa mkono. Pour terrasser les nations devant lui. Juu ya kuangusha mataifa mbele yake. Pour relâcher la ceinture de roi. Juu ya kulekesha mkaba ya bafalme. Pour lui ouvrir les portes. Juu ya kumfungulia milango. Afin qu'elle soit plus fermée. Kusudi ishifungwe tena. Je marcherai devant toi. Mimi nitatembea mbele yako. J'aplanirai les sentiers. Mon Dieu, je romperai les portes de rein et je briserai les verrous de fer. Mita vunja ma milango ya shaba na kuvunja vizuizo vya chuma. Ah, il avait de belles promesses. Alikuwa na malako mzuri. Et ses prophéties qui ont concerné Cyrus. Ile ilielekea Kiro. Esaïe les a donnés. Isaïe arileta. Avant 1000 ans, avant 100 ans, il y a même d'autres prophéties qui parlent de Cyrus qui ont été données même au-delà de 100 ans. Vous voyez bien mes frères, et vous trouverez les prophéties qui parlent de Cyrus dans 2 Chronique au chapitre 36, dans son verset 22 à 23, vous allez le lire à la maison. Vous prendrez aussi Ezra chapitre 1, verset 1 à 4. Ah, Ezra chapitre 5 aussi. Ezra sura ya 5 na yo. Verset 13 à 14. Mstari wa 13 mpaka 14. Eh, vous trouverez ces prophéties là. Utaona ile maunabi. Mais lakini comme l'histoire se répète. Sa vile hadithi iko narudiriria hapo. C'est pendant aussi l'apogée. Ni mwakati ya bantu wanafika mtawala yao. Cet instrument que Dieu avait tellement élevé. Ya ile chombo Mungu alinyanyua. Pour châtier les nations et les rois. Juu ya kupiga mataifa na wafalme. Elle aussi est devenue orgueilleuse. Ile chombo nayo inakuwa ya kiburi. L'empire est devenu orgueilleux. C'est ainsi que par le péché, l'idolâtrie, par multiples péchés, que la chute du royaume des Mèdes et des Perses est arrivée. Et Dieu pour aussi punir les Mèdes et les Perses, Dieu envoya la Grèce. Il est vaincu. Il est irikwa kubashinda. Vous voyez bien mes frères. Naona ndugu mpendwa. Vous voyez bien mes sœurs. Naona dada mpendwa. Des fois Dieu utilise. Mara ingine Mungu anatumiaka. Des gens qui sont méprisés. Bantu benye kuzarauliwa. Pour manifester sa puissance. Dieu a konesha uwezo yake. Dans Daniel au chapitre 8. Daniel, sura yake ya 8. Regardez les versets 5 à 7. Mwangalie mstari yake ya 5 na ya 7. Comme j'ai regardé attentivement, voici un bouc venant de l'Occident. Tazama mbuzi ndume ya et parcourait toute la terre à sa surface. Na aranza kutembea fashi yote. Nous avons déjà dit na tunesha kusema que le bouc dont on parle ici kusema huyu mbuzi ndume banasema hapa ni Grèce. Parcourait toute la terre aranza tembea fashi yote mudunia à sa surface sans la toucher bila kuigusa. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva devant le bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Il courut sur lui dans toute sa fureur. Lorsque maintenant le royaume de la Grèce wakati ufalme ya Grèce a Dieu l'a suscité en voyant ce que les Mèdes et les Perses faisaient. Le royaume maintenant de Kresse s'élevait dans la fureur contre les Mèdes et les Perses. Vrai. Je l'ai vu qui s'approchait du bélier. Et s'il était contre lui, il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes sans que le bélier ait la force de lui résister. Comment on a monté? Si tu vois quelqu'un qui est forcé, ça vient de Dieu cette force. Kama wakati ya kuanguka inakuya, il est temps de tomber. Utanguka sawa ntunda yenye kuiva kumuchi. Il va tomber comme un fruit mûr qui tombe de l'arbre. C'est pourquoi l'humilité est un vêtement de service pour tout le monde. Pour les prédicateurs, pour les pasteurs, pour les rois, ainsi que pour les laïcs. Oui, bien mes frères. Mais les Mèdes et les Perses étaient très forts. Personne ne pouvait les résister. Mais voilà seulement le bouc vient, il est fâché contre eux, il les attaque et ils sont vaincus. Écoutez même les termes que Dieu utilise. La Bible dit, les béliers, sans que les béliers aient la force de lui résister. Il les jeta par terre. Et les foula. Et il n'y a personne pour délivrer les béliers. Les boucs devaient très puissants. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. Quand vous prenez le verset 21, les boucs, c'est les rois de Javan. Vous voyez bien mes frères, c'est ainsi qu'ils ont vaincu. Ils ont vaincu les Mèdes et les Perses. Dans Daniel au chapitre 10, dans son verset 20, il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre les chefs de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Regardez dans le verset, dans le chapitre 11, dans son verset 1 à 3, et moi, la première année de Darius, les Mèdes, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Pourquoi ici on parle de Darius les Mèdes? Parce que les deux royaumes formaient maintenant un seul royaume. Il y avait déjà fusion de ces deux royaumes. Les Perses pouvaient régner, les Mèdes pouvaient régner, parce qu'ils avaient maintenant les mêmes objectifs pour les soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y a encore trois rois en Perse. Le quatrième, Amasera, plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Il va soulever. Atalamusha vyote kukombanisha ufalme ya Javan. Vous voyez? Naona. Le royaume de Grèce. Ni ufalme ya Grèce. Vous voyez? Je suis allé dans l'histoire. J'ai pris les rois qui ont régné sur les Mèdes et les rois qui ont régné et sur les Perses. Hein, vous verrez que les rois qui ont régné sur les Perses, les Mèdes ne sont pas tellement nombreux. Le roi qui ont régné sur les Perses, non, qu'est-ce que je voulais dire? Les rois des Mèdes qui ont régné ne sont pas nombreux, mais les rois qui ont régné sur les Mèdes et les Perses, qui sont les Perses, sont nombreux. Et la plupart des rois qui sont consignés dans la Bible, qui ont trait à la vie ou qui ont trait à la vie du royaume d'Israël, qui ont joué un grand rôle dans la vie du royaume d'Israël, qui ont joué un grand rôle pour les Juifs, souvent sont les Perses. Ah, si vous voulez les avoir, vous pouvez passer au bureau et retirer leur nom. Si Mouzé est d'accord, il va vous les écrire là au tableau. Mais les quatre rois perses dont on parle ici, vous voyez, voici, il y aura encore trois rois en Perse. Mon père. Vous voyez? Naona. Le quatrième amassera plus de richesses que tous les autres. Ce sont les quatre rois qui ont combattu contre la Grèce, mais la Grèce les a vaincus. Vous voyez? Il y a Darius, premier, qui est impliqué dans la première guerre et la deuxième guerre avec la Grèce, qui sont le roi de Javan. Il y a Xerxès, hein, que nous appelons Astérius, qui est le roi des Perses, qui a fait une troisième guerre avec la Grèce, le roi de Javan. Le troisième roi, c'est Artaxerxès. En Swahili, hein. Ok, Artaxerxès, Artaxerxès, premier, parce qu'ils sont jusqu'à quatre, c'est le roi qui ont porté le nom d'Artaxerxès. Mais ici c'est le premier qui a fait aussi la guerre avec le roi de Javan. Et le quatrième et le dernier, c'était Darius III, qui est presque le dernier. Ah, c'est lui qui a fait la guerre avec la Grèce. Mais la Grèce fut puissante. Et le royaume des Mèdes et des Perses est tombé sous le pouvoir du troisième royaume qui devait les remplacer. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. C'est tout ce que d'abord nous pouvons dire sur le royaume, le deuxième royaume de Mèdes et de Perses. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut dire, mais nous ne saurons pas les dire aujourd'hui, parce que cela nous prendrait beaucoup de temps. Que Dieu vous bénisse et lèvons-nous pour la prière, pour un mot de prière. Prions-nous tous ensemble.